Elle voulait justement sa prise en charge, mais il y avait peu de médecins, peu de médecins compétents. Et il y a besoin de médecins compétents pour le ministère de Madame René Ghislain. Il y a besoin de médecins compétents. Le problème, c'est qu'il y a eu un grand désert médical. C'est parce que les médecins vont partir. Et ils font grève parce qu'il y a besoin de médecins. Et la médecin, elle disait, il y a peu en peu de médecins, mais elle prenait tout le salaire des médecins. Et les gens, ils ont dit, répartissez le salaire et répartissez le salaire de trois quarts pour les familles des médecins de France. Et ça, c'était le problème. Il y avait un grand désert, il fallait résoudre ce désert médical. Ça va, madame ? Ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? C'est une tumeur, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez mal au dos ? On est prêt à vous soigner, hein. C'est pas de votre faute. Hein. Pascal, notre soignant, universel. Du magnétisme, oui, du magnétisme, oui, du magnétisme, oui, du magnétisme, oui, du magnétisme, oui, du magnétisme, oui, du magnétisme, Installe-toi. Il y a des casques, il y a des micros. On va faire un programme. Est-ce que je peux brancher ça quelque part? J'avais parlé avec le voisin Bob qui a fait le métal. Tu connais le Bob qui était ancien footballeur qui a travaillé pour le rock metal ici. C'est ce qu'il était? Et qui était ancien coach à Auxerre, il savait qu'il avait dit qu'on devait arranger tous les immeubles à Bondy. Ils n'ont pas été arrangés. Pourquoi ? Parce que le maire pensait qu'à jouer au Playmobil, parce que les enfants étaient malheureux. Après le conseil municipal de Hervé, les parents les avaient rejetés et tout ça. Il faut connaître le sujet de Gisbert. Et il avait besoin de cet argent pour faire construire l'habitation. Non, ils ont pris cet argent pour. Ils avaient besoin de cet argent. Ils avaient besoin de cet argent pour le LHC et pour le Bondy Habitat. Et ils avaient besoin de cet argent à la construction française de l'habitat qui était avenue de l'église. Le truc, c'est que depuis longtemps, il n'y avait pas les référencements. Il fallait les référencements pour l'habitation. Et il fallait ces référencements. Et la Seine-Saint-Denis, s'il y a des nids de poussière au bord des routes, c'est parce qu'il n'y avait pas les référencements pour les blocs de béton, pour les délinéateurs des autoroutes, pour les traits, d'autoroutes. Tu sais, il y a des lignes avec des traits. Et ça, les traits étaient en train de s'effacer. Le béton qui était sur les routes était mal arrangé. Et tu sais, il y a besoin des nouveaux passages piétons devraient être arrangés bientôt. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que dit l'animateur ? Allô, allô, je suis en train de collecter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, rien. Ah, vous voulez pas dire quelque chose ? Non. Ça va, Elisabeth ? Ça va, toi ? Ouais, j'ai pris un peu la flotte. Là. En plus, le problème de la 26, c'est que la 26, elle a des nids de poussière. En plus, la route, elle est mal arrangée, mais il faudra que le asphalte passe sur la route. Il faudra les marteaux-piqueurs pour casser la route. De la 26, je prends cette route pour aller à Federbe, à l'église de Federbe. Et le problème, c'est que la route, elle est mal arrangée. Après, on n'a pas encore mis les trucs. Il y avait une bifurcation qui va comme ça pour aller à Montreuil-la-Boisière. Et le problème, c'est que les plaques... Tu parles au micro, là, s'il te plaît. Les plaques sont mal arrangées. En plus, il y a des tags partout. En plus, il y a besoin des référencements pour arranger les nouveaux délinéateurs en béton, des nouvelles voiries en Seine-Saint-Denis à Rony qui ont été mal arrangées. Et ils ont besoin de l'argent. Le maire doit voter pour avoir l'argent. Mais le problème, c'est que le maire n'a pas voté. Il n'avait pas voté. Il a besoin d'un voté aussi avec l'Assemblée nationale s'il veut cet argent pour les travaux. Tu vas parler d'économie aujourd'hui, c'est ça ? L'économie. Et l'économie, c'est un argent. C'est un argent qui est à l'Assemblée nationale. Ouais. Et le problème des économies, c'est qu'ils se mettaient comme ça dans les poches, mais ils ne réinvestissaient pas l'argent. Et l'argent, il faut qu'elle soit réinvestie. Ouais. C'est un argent qui était passé par le chômage. C'est un argent qui était passé par le chômage. Si tu aurais de l'argent, tu ferais l'investissement en quoi ? L'investissement à payer les maîtres d'œuvre, des chefs de travaux, des chefs de chantier, des patrons d'entreprise. Il y a un argent qui doit arriver pour le maire. Ouais. Okay. Et à la Sablière, le problème de la Sablière, c'est que ça dure 50 ans, la Sablière. C'est un immeuble de 50 ans de l'époque de Chirac. Et le problème, c'est que ces immeubles n'ont pas été arrangés. Et les ballons d'eau, il y a besoin de ballons d'eau chaude, il y a besoin du carrelage, il y a besoin des placos plates, il y a besoin du béton armé, il y a besoin du béton armé avec du fer. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'avaient pas installé de béton armé depuis longtemps avec la fondation et c'était en train de se dégringoler la voirie. La Sablière était en train de se dégringoler, il y avait de la boue partout. À Pavillon-sous-Bois, on voit la route, c'était en train de se dégringoler aussi. Il y avait de la boue partout et il y a les engins des travaux qui passent là. Et ça, est-ce que ça présentait bien pour les gens ? Non, il faut arranger le béton. Et est-ce que ça présente bien ? C'est un argent qui doit passer par Stéphane Trousset. C'est à tous les maires d'avoter pour les agents centres et pour les voiries et les autoroutes. Pour les routes communales et les autoroutes. J'habite la Sablière. T'habites la Sablière, mais la Sablière, elle est vieille. Les immeubles sont anciens. Ils sont en train de nous reloger. Ah, ils sont en train de vous reloger. Ils vont tout casser. Ah, ils vont tout casser, ils vont reloger bientôt. Là, sur les quatre bâtiments, t'en as... T'as tout un bloc déjà qui est entièrement fermé, avec des portes anti-squat. Il y avait des portes anti-squat. Ben, tous les gens qui ont été relogés... En fait, les appartements doivent rester vides. Ah, les immeubles doivent rester vides. Parce que ça va être en démolition. Et donc, pour pas qu'il y ait des gens qui squattent ces appartements-là... Il fallait des squats pour faire habiter. Ils mettent des portes anti-squat. Ils mettent des portes anti-squat. Voilà. Et la Sablière va... ils en sont au deuxième immeuble à reloger les gens, sur quatre. Ah, le deuxième immeuble à reloger les gens. C'est le deuxième immeuble à reloger les gens maintenant. Oui, vas-y, et il y avait des portes anti-squat. Oui. Je comprends. Et mais qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure sur Antonin Artaud ? Quand vous avez fait écouter l'Antonin Artaud. Prends le micro. Le problème d'Antonin Artaud, c'est qu'il voulait la médecine de Bardon et les gens ne voulaient pas ça à l'époque de Vichy. S'étouffer dans les hôpitaux parce qu'ils avaient le space marker qui les étouffait. Il faut arranger les pacemakers c'est pour la réanimation du cœur. Ils avaient créé des pacemakers pour étouffer le cœur des familles et ça c'était pas normal, les poumons. Tu sais, on a besoin des poumons pour respirer. La médecine du cœur et des bronchiolites, il y a des bronchiolites pour faire respirer le cœur. C'est normal, mais le problème c'est que la médecine à l'époque elle mettait les pacemakers et ça tuait les malades. Ça tuait les malades de l'hôpital et ça c'était pas bien. Des pacemakers ? Des pacemakers, ils mettaient comme ça, et c'est des familles qui s'étouffaient. Qui s'étouffaient avec les pacemakers sur le corps. Le corps bougeait dans tous les sens. Parce que le pacemaker, là, mince, je sais, j'arrive plus à le dire, ça se met au niveau de l'épaule, et c'est pour donner, si je ne me trompe pas, des ondes pour faire fonctionner le corps. C'est des ondes pour faire fonctionner le corps, mais le problème à l'époque d'Antonin Artaud... Ils sont très à l'aise maintenant. Ils sont très à l'aise, mais à l'époque, c'était pas à l'aise avec les pacemakers. Ah oui, parce que comme tout début de quelque chose... À l'époque de Vichy. Oui, ça devait être peut-être encore des. C'était encore des mauvaises expériences. C'était des mauvais space markers. Hein. Oui, voilà. Et le problème de ces anciens space markers, c'est que ça a étouffé. Là, ils vont reconstruire la space marker à nouveau. Donc on va faire le programme, tu vas parler d'Antonin Artaud. Le problème de la lecture d'Antonin Artaud, c'est que c'était un monsieur qui souhaitait la médecine de Bardon. Hey, quel Didi, était ça va ? C'est que les personnes voulaient avoir le Bardon de ce monsieur, mais ça il ne faut pas écouter ce qu'il a fait parce que ce monsieur n'avait pas tout à fait la guérison de lui. Il était venu à un moment à Villévrard à l'époque, tu sais ce qu'il a fait ? Il a tapé dans l'hôpital parce qu'il ne voulait plus de sa vie, il n'acceptait plus sa vie. Antonin Artaud, tu dis ? Oui, il a accepté plus ça. Oui. Mais il était un poète aussi, Antonin Artaud. Il était un poète qui avait écrit sur la maladie des familles de l'hôpital Villévrard. Ah oui. Mais tu veux entendre, c'est ce qu'on a entendu l'autre fois, médecine imaginaire ? Oui, je veux en écouter. Attends, il prend une demi-heure pour prendre son truc. Vas-y. Tu as trouvé ? Trouve, tu les laisses en stand-by. Ouais. Et après, c'est ça que tu veux après ? Bah alors, laisse-la. Et pour l'instant, on va mettre un peu pour que notre ami Bastien, parce qu'après il doit partir à l'église, hein, donc il a du temps limité. Mais lui, tu as le soin en toi, c'est ça ? Tu as la médecine. Si j'ai le soin en moi, c'est que je dois apporter le soin aux est-ce autres. Tu veux nous soigner à nous tous ? Oui, je veux soigner tout le monde. Comment tu vas nous soigner ? On soigne que si on donne la médication aux autres. Est-ce que tu peux nous donner la médication qu'il nous faut ? La médication, il s'agit que si on apporte la médication, c'est pour soigner. C'est parce qu'on sait que le malade allait mal. Le malade allait dans une infirmité, vers un cas dérisoire de la vie. Et à un moment, il fallait soigner le cas dérisoire de des familles. Il fallait apporter les soins pour que les familles aillent mieux dans la vie. Et ça, c'était le problème d'Antonin Artaud. Il voulait le pardon. Avec le bardo, on ne trouvait pas la guérison. Avec les bardos ? Avec le bardo, on ne trouvait pas la guérison. Mais il avait un message noir de la vie sous l'histoire du bardo. Et ça, ce n'était pas possible. C'est quoi les bardos ? Le bardo, c'est quand les familles avaient la maladie de Bardon. Ils se sentaient très mal. Ils s'étouffaient à l'hôpital. Est-ce que ça, c'était normal ? Eh ben non, c'était pas normal. Eh ben non, ça, c'était pas normal du tout. C'est vrai. Ça, il faut le dire. Attends, on va mettre un peu Antonin Artaud. Tu vas le commenter. On est en train d'écouter pour savoir quel est le. Je vais le mettre et tu vas les commenter. Afin de résoudre le problème. Tu vas écouter et tu vas les commenter. Oui. Attends, okay oui. Comme on l'a fait déjà une fois, je me rappelle, tu l'as déjà fait. Sébastien, là, qui va nous soigner tous, hein, c'est ça. Hein. Oui. Comment tu vas soigner la planète ? Quand on soigne la planète. Attends. Comment on va soigner la planète ? La planète, que si la personne, elle était prête à prendre sa médication, son traitement de santé pour pouvoir se guérir. Mais le problème, c'est que beaucoup de familles en France sont immigrées et n'auront pas de traitement. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se soignent pas. Parce qu'ils ne sont pas guéris. Mais comment tu vas les guérir ? Parce que c'est toi qui vas... Les guérir, c'est en touchant là où il y avait la maladie de l'infirmité. Attends, prends un micro toi aussi. Qu'est-ce que tu comptes dire, Jefferson ? Attends, il y a un problème avec le micro. On dit, même si tu racontes des choses bien, tu racontes que de la merde. Tu vois, toi aussi, tu as besoin de te guérir. Ouais, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler d'Antonin Artaud, parce qu'Antonin Artaud avait des problèmes à se guérir soi-même. Oui, quel problème il avait ? Il voulait la malédiction pour les femmes. Parle au micro, s'il te plaît. Est-ce que ça, c'était bien ? Il maudissait les cas de santé des familles. C'est ce qu'on faisait en France à l'époque. Il maudissait. En même temps, il donnait de sort pour soigner ses médecins. Parce qu'il pensait que les médecins étaient exposés à la magie noire. Et à la magie noire, il fallait guérir cette magie noire. Ouais, donc voilà, on va goûter un peu ça. Et puis, attends, c'est pas encore l'heure, mais on va. Parce que je sais que tu pars tôt. Regarde. Conscient et prémédité. Et prémédité. Ce n'était pas seulement. Les médecins favorisent la magie. La magie. Par leur thérapeutique. Par la thérapeutique. Irascible. Les racines. Et stupides. C'est qu'ils en font. Puis en font. Il n'y avait pas eu de médecin. Il n'y a pas eu de médecin. Il n'y aurait jamais eu de malade. Il n'y a jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Parce qu'ils avaient, faut aussi ils dit, les médecins, que la mort vive. Et ça, c'était pas bien. Il n'y a rien pas bien, ce qu'il avait fait. Comme un asile d'Ali. C'était pas bien quand il disait « vive les morts ». C'était pas bien du tout. Parce que les morts ont besoin qu'on prenne en charge les familles en train de mourir. En les bas, ils disaient... Il disait « vive les morts ». Mais ça, c'était pas bien. Parce que comme il croyait à la morgue, mais ça, c'était pas bien. C'était un pardon que les médecins, avec la magie noire, faisaient aux familles. Ouais. Tu sais, quand on guérit quelqu'un, on prend y soin pour qu'elle aille mieux, même avec la maladie. Qu'elle aille mieux pour l'avenir. Et la personne... Bonjour, tu peux rentrer. Bonjour, bonjour, c'est bien. Ouais, mais vous venez ici après, Dune. Bon, bienvenue à la radio, installez-vous. On a Dune aujourd'hui avec sa voix magique. Bon, on va continuer un peu avec Antonin Artaud, vas-y. Tu viens avec nous, là, c'est toi, prends place. Il dit... Écoute. Il disait qu'on... Couvait doucement la mort. Il préméditait doucement la mort. Il disait qu'ils préméditaient doucement la mort. Et ça, c'est pas bien parce qu'ils ont fait des préméditations de mort. Et ça, ils avaient effacé même les cas à la justice ici. Bon, est-ce que tu vas nous aider à faire les programmes pour aujourd'hui ? On fait le programme. Parce qu'en faisant le programme, on sait qu'aujourd'hui, la médecine, elle a évolué. On doit guérir les malades. Ouais, mais moi, ça m'intéresse comment toi, tu peux guérir. Parce que toi, tu guéris d'un point de vue autre que la médecine. Parce que c'est spirituel. Il y a physique. C'est à l'état physique de la personne et à l'état spirituel aussi de la personne. Donc tu guéris le à médecin, l'état spirituel. Et spirituellement parlant, il faut guérir que si la personne, elle a le salut de l'âme en elle. Ouais. Elle a le salut de l'âme, qu'elle apporte le salut de l'âme au malade. Et toi, tu vois quand quelqu'un est malade ou il est guéri ou les soins. Par exemple, nous, là, on est... Moi, qu'est-ce que j'ai, moi ? Vous êtes docteur des docteurs. Docteur des docteurs. Et si vous êtes docteur, vous êtes animateur, c'est parce que c'est pour qu'on fasse réunion pour savoir comment on va y faire face à la situation pour y guérir les malades. Ouais. Et toi tu m'aides à le faire là parce qu'on est tous les deux en ce moment docteur des radiothérapeutes. Et les radiothérapeutes, c'est pour la thérapeutie de la personne. C'est parce que la thérapeutie à l'époque était trop mauvaise en matière du bardon. À quelle époque ? À l'époque des années 70. Ah oui. Elle était trop mauvaise, la thérapeutie, parce qu'elle passait par la thérapeutie et les médecins décrétaient que la personne n'arrivera. On fait la magie noire sous le cas du patient. Alors le patient, il venait pour se guérir. C'était le patient qui avait raison de venir. Ouais. Alors, au médecin. Et le médecin, elle décrétait comme un problème avec la personne. Et la personne, c'est pas un problème. Le patient, c'est pas un problème parce qu'elle vient pour se guérir. On avait tous des problèmes de santé, on venait pour se guérir. Ouais. Tu vois. Et toi, comment tu t'es guéri, toi ? Non. À l'époque, tu sais, quand Philippe Lefort a tapé Bastien au centre, il avait dit c'est parce qu'à un moment, il n'y avait pas la guérison. Tu sais, à un moment, il fallait installer le processus de dérision. Philippe si Lefort, c'était qui ? Après, la personne, elle va en enfer sans le processus de dérision. C'est comme ça que ça marche. Ça marche que par la délivrance. Mais toi, donc il y a quelqu'un qui t'est tapé, qui s'appelait Philippe Lefort ? Philippe Lefort, quand il avait tapé, c'est qu'il a estimé en lui que c'était pas le moment pour le bassin. C'était pas le moment où il était guéri. À un moment, on avait guéri Bastien chez Dr Serra. Oui. Tu sais comment ils ont guéri ? Tu sais comment ? Comment ils sont guéris ? En prenant de plus en plus de soins, en venant de plus en plus à la thérapie. Ah oui. C'est ça qui guérit la personne de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses, Inaltinio ? J'ai deux petits frères qui sont nés en 2003 et en 2008. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont, tes frères ? Je ne les connais pas très bien. Je sais, il y en a un qui s'appelle Lacho, il y en a un qui s'appelle Lionceau, il y en a un qui s'appelle Luc, il y en a un qui s'appelle. L'autre, je ne me souviens pas comment il s'appelle. Mais j'aime bien comprendre leur langage. J'ai du mal à comprendre leur langage. Et si je pouvais les aider ou si je pouvais faire quelque chose pour eux, j'essaierais de le faire, quoi. Oui, mais là, justement, on est en train de faire... Bastien est en train de nous apprendre comment on pouvait soigner les autres au niveau spirituel. Non, au niveau... mais parce que soigner dans la Bible, c'est déjà n'importe quoi, soigner dans la Bible. Non. Non, mais toi par exemple, tu as des pouvoirs de télétransportation. Tu peux aller dans les systèmes solaires. Ouais, mais donc, je prends beaucoup les transports, moi. Tu vois, le transport... Ouais, j'ai même les transports... les transports... comment dire, les transports voyageurs, je prends beaucoup. Je vais à Paris, je vais à Gare de Bondy, je vais au pont de Bondy, je vais un peu jusqu'à Saint-Denis. Ouais. Des fois, je fais mal de tout, des fois. Mais tu surtout, auparavant, tous les jours de 14h jusqu'à 18h. Je me promenais dans tous les centres commerciaux de l'Île-de-France et aussi pendant un moment de 9h jusqu'à non, de 5h du matin jusqu'à 9h du matin. Je me promenais dans tous les centres commerciaux, j'allais lire des livres, des mangas, des vidéos, comme ça. Ouais, mais on parlait de la guérison parce que toi, ça c'est les voyages que tu fais au niveau dans la planète Terre, mais dans ton niveau extra-planétaire. Planétaire. Il y a quoi comme médecine dans les autres planètes du système solaire? Par exemple, moi, je trouve un peu ce qu'il dit un peu bizarre parce que il y a certains endroits comme le soleil où soigner, ça peut vouloir dire mettre un coup de poing. Ah oui, quelqu'un peut vouloir dire mettre un coup de poing. Et un guérir un malade, c'est, peut vouloir dire battre quelqu'un à mort en mettant des coups de poing. Mais ça, c'est plutôt à la planète Mars, non? Non, il y a planète Mars, planète Soleil, il y a... Non, plutôt, je ne dirais pas planète Mars, planète Soleil, mais des planètes que j'ai rencontrées, je ne me souviens plus le nom. Et ça veut dire ça, et c'est très dangereux. Ah oui, donc c'est dangereux, c'est un peu à l'envers. En plus, les flics, ils font rien. Il y a des flics là-bas? Ouais, il y a des flics, mais ils font rien. Comme d'habitude, comme partout. Mais toi, chez nous, beaucoup les flics, ils agissent les flics. Hein. Quand les femmes sont attaquées, les flics ils viennent à leur secours. Quand les hommes ont des difficultés, les flics ils viennent à leur secours, tout ça. Et c'est comment les flics interplanétaires? Interplanétaires? Quand une femme est mise en danger, ils interviennent très brutalement. Un homme ou une femme est mis en danger. Oui. Ils interviennent très brutalement envers le suspect. Oui. Mais sinon, ils sont compréhensifs. Si tu te laisses faire et que tu es coupable, pas d'un crime, mais d'une agression ou de quelque chose, ils peuvent te libérer sous caution. Oui. Ou libérer. Mais là, si tu parles un peu des dangers, mais est-ce que tu as trouvé des soignants, des gens qui soignent? Hein? Tu as trouvé des soignants dans les planètes intersolaires? Ça va? Tu vas bien? Bienvenue. Est-ce que tu as trouvé des médecins ou des infirmiers ou des psychologues ou je sais pas quoi? Comment les médecins dans les systèmes solaires? Les médecins dans le système solaire, ça dépend comment tu les appelles. Si tu les appelles médecin et que t'es un gentil, ils peuvent t'aider. Ouais. Si tu t'appelles docteur et que t'es un méchant, ils peuvent t'aider. Mais si tu t'appelles médecin et que t'es un méchant, ils vont pas t'aider. Et si tu t'appelles docteur alors que t'es un gentil, ils vont pas t'aider non plus. Et toi, c'est quoi ta fonction dans le système solaire? Est-ce que tu as un travail? Dans le système solaire, c'est de renaître chaque jour. Poussière, de la mort et de faire la justice. De faire la justice pour les morts. Donc tu fais la justice un peu, tu es un peu un juge. Un peu un juge, ouais. Ouais. Pas un juge, mais un juge. Tu vas juger un peu, tu vas faire la justice pour les gens méchants ou les morts. J'essaie de rapatrier les morts. Ouais. Qui ont mérité quelque chose dans cette terre. Ouais. Dans de là, pour que leur récompense, leur richesse et leur mérite. Oui. Leur mérite. Voilà. Donc ouais, voilà. Donc tu fais un peu, tu vois dans le système solaire, c'est ce qui va pas, ce qui va bien. Ouais, qu'est-ce qui va bien en ce moment dans le système solaire? En ce moment, Franchement, là je viens d'arriver. Je viens d'arriver de très loin. Oui. Attends, mais mets un peu la musique. J'ai voyagé, dans un tramway qui allait à plus de 120 km/h. Attends, fais pas ça. Attends. Mais vas-y. J'ai voyagé dans un tramway qui allait à plus de 120 km/h. Oui. Et qui a fait environ 15 à 16 arrêts. Oui. J'ai atterri ici. Je viens d'atterrir là. Et je viens voir un peu ce qui se passe par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans ces mondes? Je sais pas. Je viens d'arriver. C'est ton premier séjour sur Terre? Hein? C'est ton premier? Non, c'est pas mon sautage. Je suis déjà venu dans le passé. Oui. Mais... À quelle époque? Mais ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et là, c'était mes deux petits frères jumeaux qui étaient là. Igualtino et Ignatino. Igualtino avec un U à l'envers. Ouais. Et Igualtino avec un U à l'endroit. Et ça, c'était frères jumeaux? C'est mes frères, c'est mes deux petits frères, ouais. Ok, et eux, ils étaient là avant toi? Ouais, non. Moi, je suis venu ici avant eux. Ouais. Mais ils sont nés ici. Et ils font des choses, j'ai peur de voir ce qu'ils font, mais je comprends pas leur langage. Tu comprends pas le langage de tes frères? Ouais, je comprends pas le langage de mes frères. Parce qu'ils parlent en quelle langue, tu sais pas? Hein? Dans quelle... Je sais pas en quelle langue ils parlent justement, je sais pas, j'ai pas eu le temps de les côtoyer, de les parler avec eux. Tu peux leur dire de te traduire un peu, quoi. Je crois même qu'ils sont trois ou deux, je sais pas. Oui. Ouais, mais c'est bien, merci. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure parce que là on n'est pas en direct. Par contre, la musique, tu peux le mettre la musique dans le... qui passe par ici parce que sinon on passe. Tu vois, si tu mets la musique pendant qu'on parle, il faut qu'on fasse autour. Sinon, tu as un câble. Ou sinon, tu le mets quand tu le mets, tu mets un micro sur le haut-parleur comme ça on entend tous. Ouais, voilà, ok. Bon, merci. Igualtino, je sais plus comment t'appelais, Igualtino. Ignatino. Donc tu as Ignatino, ton frère c'est Igualtino et Egaltino. Igualtino. Avec un W. Un W après le G. Donc vous êtes trois. On est trois, ouais. Bon, merci. Tu vas nous raconter tout à l'heure hein, parce qu'on revient sur la médecine de l'interplanétaire. Et Bastien, il va commenter encore Antonin Artaud. Cela a commencé 4000 ans. A commencé qu'à 15 000 ans. Avant Jésus-Christ. Cette technique. La thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc. C'est les électrochocs. Le problème, c'est qu'il y a eu les électrochocs qu'il y avait des mauvaises thérapies au niveau du... des électro... Non, pas mon câble, c'est pas mon câble. Charge ici, parce que je vais prendre de truc. Le problème, c'est que le space maker a porté des mauvais électrochocs au corps. Et le problème, c'est que la personne, elle a vu ces électrochocs-là et ça choquait la personne. Ça faisait choc d'onde que ça tuait la personne. Et il faut guérir cette situation hein, sur les électrochocs. Hein. Et comment tu vas guérir tout ça? Arranger les électrochocs. Arranger les space maker. Et comment on va faire? Dis-moi. C'est quoi la... Comment il va faire pour... il faut arranger pour l'ultrason du cœur. Ultrason. Bon, on va revenir sur Antonin Artaud tout à l'heure. Tu pars pas tout de suite, Bastien. Ouais, ça dit quoi? Vas-y. Ça, vous allez bien ou quoi? Tranquille? Ça dit quoi? Ouais, ça va tranquille. Ouais, tranquillement, on est là. Hein. Je m'entends plus. Ouais, là, c'est bon. Et par contre, il va falloir qu'on fasse un truc avec la musique. Parce qu'on ouais, c'est MTR, les gars, comment vous allez tranquille ou quoi? Ça va? Merci. Tiens, bien, tu veux charger? Son câble, c'est à toi, Igualtino. Ah, s'il te plaît, je suis matin, s'il te plaît, vite fait. Oui, vas-y. Tu veux quoi? Tu veux un petit son. Un petit son, attends. Ouais, mets-moi là, s'il te plaît. C'est quoi un petit... Un petit instru, bien. Moi, je vais le mettre. Vas-y, mets-toi un son. vas-y, mets-toi. Voilà, on va faire... On est en train de s'échauffer. On est à 9 minutes de direct, là. On est en train ouais, de... c'est carré. On est chaud. Le métanoïaque qui vont soigner le système solaire. Ça va? Ouais. MTR sous point. C'est MTR en direct. Ouais, on est ici, on est posé toujours. Hein. Ouais, écoutez ça. MTR. Ouais, on est toujours là, on est posé. On est posé ici à Bois de Bondy. On est ici au centre aéré. On est posé toujours, on est posé. Toujours. 24h, 24 charbonné, toujours. C'est travailler, c'est dur. Quand tu gagnes ton salaire, tu gagnes bien. C'est gagner dur dans sa vie. Quand tu perds, tu gagnes pas. Tu perds toujours ton argent. Quand tu dépenses toujours. Moi, je dépense toujours. Quand je travaille, je bosse. 24 sur 24, avec mes collègues de travail et mes potes, tout ça, on a vu, toujours on était là, c'est MTR, on avait dit toujours, on était passé, posé au travail avec mes potes, tout ça, on a rigolé, on t'a fait, voilà, on posait toujours avec mes parents, toujours on était petits, toujours on était ici, MTR, on est là, on est posé ici, à Montreuil-sous-Bois, quand j'étais né, quand j'étais petit, à 6 mois, je suis né en 87, le 11 décembre, on est là, toujours. C'est MTR, sous-bois. Voilà. Voilà. Ouais, l'équipe, vous allez comment bien? Ouais, vas-y. Bon, ça va passer. Bonne année, bonne santé, merveilleux. Ça dit quoi? C'est Radio Métanoïa. Voilà, bah. Ouais, ben, bonne santé, merveilleux. Plein de bonnes choses. Ouais, mais le feat sera après, hein, t'inquiète. Ouais. Bah, comment dire, comment vous allez, Metaina? Vous allez bien? Vous avez passé de bons week-ends? Vous avez passé de. Attends. Vous avez passé de bonnes semaines? Là, il reste 3 jours à tenir, les Metaina, l'équipe, voilà, comment on va dire. Bah, restez branchés. On est avec le monsieur Martin. Matin, qu'on appelle. Oui. Ouais, tranquille. Martin Joker dans Batman. Ouais. En plus, c'est sans cesse qui est passé. Ouais. Voilà, Martin est là en direct. Matin, voilà. Et ben, comment dire. Regardez la teinture bleue qu'il a. C'est dans Batman, Joker. Mais lui, il joue dans Batman parce qu'il a la teinture bleue, tout ça. Il est bien, tu vois. Et voilà. Et jusqu'à ça, Martin. Force à Martin. Voilà, l'équipe. Bye. Qui sont MC rappeurs? Metanoïa, ouais, force là, il pleut, okay. Mais on est là au ça show. Rap comme à l'ancienne. Ok. Comme un café noir, souvent dans une tasse blanche. Comme un café noir, souvent dans une tasse blanche. Je suis cramé, je suis crème. Écrémé, gay. Je suis un Renaud de la Niki, hey. Bondy aussi. Hors de portée. HDP, clic. Hors de portée, c'était ma clique, HDP, clic. Ok, Lani, c'est là d'où je viens, c'est là d'où j'ai grandi. Ok, HDP, clic. 1, Lani 7-7. Ok. J'ai grandi dans le 7-7, Lani sur man. HDP, clic, c'était gros, ma clic, négro. Ok. Connu pour les Rix, je m'appelle Jimzo. C'était Jimzo, connu pour les Rixmo. Eh, l'anniversaire mo, hein, ok, ça se bagarre, ça se bastonne, moi c'est Jimzo, tu connais pas cousin, l'ani c'était la guerre, hein, l'ani Torigny, l'ani mo, l'ani vert, l'ani, on est chaud, MTR il va rapper, ou c'est qui, oh c'est Doudou, ok. Ok. J'ai commencé à textoter avant de rapper. J'ai pas besoin de B2 pour m'inspirer. Je suis toujours posé mais jamais dosé. Les Fatoumata, je m'en suis pas fait assez. Toi-même tu sais, je suis avec les types Didi, MTR, Isaac, on est ensemble. Nouvelle année 2024, 93 140 c'est bon du nord. De ville Paris jusqu'à Tourigny. Le 7-7 et aussi ma gueule Montreuil sous bois. Avec MTR, ça rap sale, ça nique sale gros. On est toujours posé mais jamais dosé. J'arrive en bas, j'arrive en coup de gaz. J'aime trop lever des cannes B. Et je veux soulever ma femme tranquillement, ok. Ouais, ta go est toujours passé par là. Quand tu te quand c'est du ta femme, c'est l'amour qui est proche. Quand tu gagnes plus, tu gagnes l'oseille. Toujours faut gagner plus. Ouais, gagner de l'oseille par c'est toi. Bon. Ok. Tu pars pas, tu gagnes plus. Tu travailles de l'oseille, tu verses de l'oseille. Tout dans la caisse. Quand tu travailles pas, tu gagnes dur. Travaille, toi, c'est bien. Vas-y, à moi. Vite fait. Ouais. Ok. Hey. Eh hey, les tox, on vient de toxer. On a les cocktails pour mieux toujours poser ici. Bande d'enfoirés. Travailler c'est dur, travailler c'est bien. Toujours dans, toujours ici posé. On travaille dur. À vie parisienne, à Bourdieu, à Montreuil, à Olé sous bois. Ah ouais. Voilà, dédicace à MTR, DJ et mon gars qui est là, nous trois, Doudou, voilà. Voilà, nous trois, on a fait un featuring, écoutez ça. Mettez un œil, on a fait un featuring à trois. Ah, c'était bien le featuring. Comme à l'ancienne. Gagner dur, c'est de l'argent. Eh. Ah, ok, eh. J'ai pas trop d'inspi, ça. Ah! Gagner dur la paix, c'est important, faut travailler dur, hey. Toujours faut bander, faut bosser toujours. Moi des bolides, des bagnoles, gagner toujours. Faut gagner toujours un kilo d'oseille par mois, comme j'ai MK. Ouais. J'aime les bolides, j'aime les grosses voitures. J'aime les, j'aime pas trop les Twingo. Hey, je suis un gringo, hey, hey. C'est de, c'est de l'improvisation, hey. L'improvisation, eh, hey. Ok, MPR, MDR. Ouais, on est posé là, ici, on travaille pas dur, on travaille sur charbonné tous les matins, levé tôt le matin, faut pas traîner dans le ghetto le soir, parce que c'est dangereux pour toi, pour te dire, travailler toujours, c'est important, travailler dur, posé dans le travail, avec tes collègues et tes potes, tu rigoles, tu charbonnes, tu taffes dur, comme okay. Si t'en éclair, faisais éclair, faisais okay. Éclair, tous toujours, hey, okay. Hey. Ah merde. Ah non. Bow. Change d'instru. Oh. Non, change, voilà. Ouais, petit fit, hein, écoutez. Ok, c'est bon. Attends, c'est okay. Ok. Eh. Hey. Ok. Hein ouais, mais lui fougère, envoie la passe. Décidément, ça t'inquiète pas, y'a que les faux qui se foutent dans la masse, assis au fond de la classe. Pas, moi, dans mon lit, y'a des absences. Moi, si tu me cherches, je suis comme un café noir. Souvent, dans une tâche, moi. Ok. Hey. Belleville Fougère envoie la base. Décidez-moi en santé quoi. Y'a que les faux qui se foutent dans la masse. Assis au fond de la classe. Attends, moi dans mon yé, y'a des absences. Moi si tu me cherches, je suis comme un café noir. Souvent dans une tasse. Moi dans tous les cas, je suis rentré tous mes gars. Passe à la barre si tu pédaves. Hey, c'est MTR sous bois. Ouais, MTR présente ses 4 motions. 4 bâtis comme Mercedes, AMG. GMK présente la AMG. 4 motions, MG, automatique. 4 couleurs dans la puissance. Y'a 4 couleurs, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, orange. Toutes les couleurs qu'il y avait dans l'espace. Et dans un espace, quand tu as sorti du lit, dans un espace, et quand tu as l'espace, le ciel c'est au plafond. Si t'es orange et bleu, c'est comme les couleurs de TN. Quand même c'était magique, la couleur était bien. C'était iconique, en 98 la coupe du monde était passée par ici. C'est MTR, c'est pas hey. On est en direct, Radio Métanoïaque. Mais pleure pas, on veut pas quitter. Tout seulement ce qu'on veut, c'est juste tout niquer. Bébé pleure pas, je vais tout expliquer. Je prépare 4 chemins pour tout faire oublier. C'est pour les filles, c'est pour les girls. Ok, c'est pour les jeunes filles, les femmes bien et les mamans, nos papas. On est ensemble en direct. Posé avec les frérots, les sœurs. Ok, come on man, let's go. Ok Didi, come on man, let's go. Ok Didi. Ouais, c'est un PR ici. SMTR, on est posé ici avec mon gars Martin. Il a pour la mama. Ah merde. Ah, je suis un big glossa, il pensait à mes bavards. Martin, c'est MTR mon gars, tu connais? MTR on dit matin matin, avec tes cheveux on dirait Joker dans Batman. Quand il est passé dans Batman, c'est Joker. Il a passé dans les Jeux Olympiques 2024. Ouais, c'est MTR. Ah oui, Martin matin, dessin animé tu vois sur France 5. Bah oui. Ouais, Martin, tes cheveux on dirait Joker dans Batman. Tu joues dans les dessins animés que tu regardes des jeux sur la télé. Moi je regarde des dessins animés, je vois des Martins. C'est des gardiens. Ok. Jack, la vie, check sur l'épaule. Boum boum, c'est négro, donnez le coup. Monter sur un plafond, on est chaud. Tu peux, j'écoute, c'est Sean de Locos. Du lundi au lundi, y'a pas de pause. Kachana, baby, Artie, Jeff. Du coup, ça a fini en L. Belek, tu peux te prendre balle dans la tête. Becky, on reprend le pakistanais. J'ai l'affaire pour la maman au bled. Jack, NSI, c'est pas de l'eau. Check ton boule, t'auras cololo. Pourquoi t'envoies tes rololo? T'es bebar, c'est négro, on volait le go. La vie, c'est chaud. Gélard, c'est négro, on donnait le go. C'est MTR. Bah ouais, c'est MTR. Ouais, enfin un featuring ici. Ouais, Radio Obtainer, on a fait un feat à trois. Oh les gars, son fils et moi je mets des claques. Elle est gentille mais elle fait des faces. Mélanie la bouse en flip flop. Elle veut des caresses mon bébé. En sueur elle bronze tout l'été. Mon aconie c'est Montpellier. Pas trop d'amis, pas d'affiliés. Des cases des îles mon appel. Elle exécute ma verre. Récupe de la carte dans la pêche. Dépose mes lèvres sur ses lèvres. Carrément au pêche, une blague. C'est moi je mets des claques. Elle est gentille mais elle fait des faces. Mélanie je la bouse en flip flop. Elle veut des caresses mon bébé. En sueur elle bronze tout l'été. Mon aconie c'est Montpellier. Pas trop d'amis, pas d'affiliés. J'ai mis les habits Balenciaga. Qu'est-ce qui m'étantine, qui veulent la mala. Moi t'as des Habib, Chipolata. Elle met du vernis à Malaga. J'irai les petites, ça c'est mon dada. One K. Oui, on est Radio Métanoïaque. On a commencé avec la voix des Didi et des... Attends, ton prénom j'ai oublié. Vas-y. Présente. Ouais, tranquille. J'allais me barrer, mais en fait, attends, je vais revenir. Un peu love, love. Tu peux présenter qui a la voix comme ouais, ça. Voilà. C'est 12 ans. Ouais, c'est doudou, un peu doudou, Didi, ouais, Gigi, et moi, MTR. MTR, ah. Bastien. Bastien. Là-bas, il y a madame. Ouais, l'équipe Metaïn, on a fait un petit feat Dodo, Didi et moi. On a fait un feat à 3. Oui. Voilà, pour le petit freestyle. Hein. On a fait, ouais. On a jamais fait de featuring. Ouais, mais c'est bien. Vas-y, tu veux un deuxième et après, il y a Bastien qui va parler. Attends. C'est quoi? Tu peux présenter le morceau là? Attends, je vois, ça passe. C'est un peu comme Michael Jackson, ça, non? Je choisis de base, j'ai pas la poisse. Montre-moi. Ouais, dernier feat avec Gigi. Ouais, Radio Métanoïa. Ouais, les gars, on fait un feat. On commence en musique. Ouais, de rien, tranquille. On commence en musique pour danser. Tout le système solaire avec Altinho. Et ses deux frères jumeaux qui partent à chercher la médecine universelle. Oui. Bon, Dieu, on travaille ici. We don't want to turn over time. We don't want to turn over time. We. Bitch, I don't want to turn over time. Bitch, I don't want to turn it. Oh, baby. Le futur est arrivé, déposé ici pour travailler, pour charbonner, gagner du pognon magique, pour gagner tous les jours. Nous en la pipe du verre, nous en la pipe de 24. Quand tu bois, tu joues Nintendo DS, PSP, PS3. Quand tu joues à ça, ton écran il est bleu, le sel est bleu, le whisky est en toi. Picole pas trop, c'est pas très bon pour toi, mon gars. On fait un feat à 3, on te dit. Il faut faire ça, faut gagner ta vie, faut ta vie gagner dur. Il faut faire tout ça. Ouais les gars, c'est MTR. Ouais, vas-y, fais-toi. Hey, hey, hey. I'm a bad boy. I'm a killer night. I'm a bad boy. I'm a killer night. I'm a bad boy. Bad boy. I'm a bad boy. I'm a killer night. I'm a gangster nigga. I'm real nigga. I'm a real trap nigga, motherfucking real nigga. I'm a bad nigga. Deck 699. You get out of my head. You get it out of my way. You get it out of my way. Hey. Okay, my English is bad. Hey, Isaac is the blast. In the blast. Ouais, vas-y, on a fait le futur dans l'arbre. I'm a bad boy, I'm a killer night, D3, I'm a bad boy. I'm a killer night, D3, I'm a bad boy. I'm a killer night, D3. Oh, okay, yeah. Ça groove à Metanoia, ça groove partout. And a red tail mark with a red ray. And a red some big ray. And a red trunk red, get a wig ray. Alright? Get sur la plage, on est en train de poser et en train de rapper. 93 standards. Dit on the track. J'ai tout envie de niquer cette année 2024. Ok, ok, ok, ok. Je mange pas de croquettes, mais je suis un chien de la casse. Des AV. Moi je mange pas de saladier. J'ai pas de lapin. J'ai du sang qui arrange, du sang qui dans la veine. Le sang qui rouge dans le putain de feu. On n'a pas Martin, il a des cheveux. On dirait de la salade. Ok, hey. Je t'étrangle comme dans Magedo. Elle me dit que j'ai la police, moi je mets du dog. Je sors à la police, je passe sous le pont, direct sur le centre-ville. Ils ont arrêté le poids lourd d'Herville. Avec les brises glaces, eux ils faisaient les shows. Sors le couteau, ça fait des trous dans la voile. C'était la guerre, eux ils voulaient ma peau. Les keufs à la gare, eux ils faisaient des hauts. Je veux la gérer donc tu regardes le coin. Je m'as écouté, mais la réplique. Et les gars fâchés sont de la République. Et la croyance en Dieu, je suis béni. Et grâce aux sépatons de magie. Et je veux mon tier bouillir l'arôme magique. Et grâce mon tête est sous le béton. Et elle m'envoie c'est ni barré qui tombe. Et je menace sur RP donc tu faisais le jeu. Tu vas du gun, bluff sans comme de l'eau. Ça fait un bac donc tu me regardes. Je voulais la gérer, lui il a pris la gueule. La cloche sans crochet veut casser ma main. Ouais, Mortal a des cheveux verts, il mange de la salade ou pas? Parce que là, s'il a du cheveux, c'est salade, de jouer au cadre pas de mal. Il a mangé de la salade, c'est vert comme ses cheveux. Le bas, le truc de billard. Ouais, parce que Mortal a des cheveux verts comme une salade. C'est Batman, c'est Batman. Le Joker, il a des cheveux verts comme la main. C'est le Joker, il a de la salade dans sa tête. Parce que c'est pas la main. I'm West Side, I'm a motherfucking red side. Get a red side, Motherfucking real Tupac, yeah. I'm always hippie, dippin' and swollen. I'm money fucking ready to the bleed. Money for the bread, niggas ready to change. Money hungry. Get away my winner. Move right to the ring, I'm blaming the rambler. Ready to get with the rambler. Now to the world of wisdom, the love and the lambler. C'est Radio Metanoia, on est là, en direct, c'est là, ça part en... Tu crois que c'était de l'anglais, là ? En freestyle, ouais, c'est bien ce que tu faisais, là. Oh. C'était quoi comme musique que tu en écoutais, là ? Attends, il va nous dire. Ouais. Il prépare une autre, on fait une dernière, et puis après, il y a Bastien qui va nous lire un fragment de livre, là, parce qu'il est en train de philosopher sur la médecine universelle. On est parti. Prends le micro, là, s'il te plaît. Que pour créer le débat, il analyse que les faits avec l'invité, cette forme souple du magazine élargit que le temps de l'écoute en est au fond d'image sonore proposée par le reportage, mais le reportage est-il une tache de couleur stimulant à la réflexion qui n'est pas autant que le tableau où on tient la réalité, il décrit que les éléments de s'insérer dans un tout, il vient à l'intérieur et il apporte les éclairs du bruit comme à l'image du choc du réel. Le documentaire radiophonique représente la troisième étape du traitement du réel. Jamais diffusé en direct, puisque le déjà détaché du réel, manière d'appréhender la réalité et d'être fabriqué, élaboré pour qu'il soit le point de vue de celui qui a la personne à l'écrit pour faire exister. Programmer l'explosion centrée de Fukushima le jour de la vie d'une femme, suite au quotidien de ses deux enfants, comment vivre de son toit. La démarche à retrouver à son mari et confie la mémoire de l'événement, la peur de la proximité quotidienne de la radiation. Explorons que ce cas est la spécialité horizontale en suivant la femme de ses déplacements, lequel donne en même temps une représentation sonore différente au lieu de la ville. Dans la vie, cette définition est ce qui arrive le plus souvent, mais qu'elle transforme à la prousse à bout de la distorte, le réel et plus l'autorité de la référence, mais qu'elle puisse faire un jeu en réel. Après une catastrophe nucléaire, une femme qui s'enfuit, laissant dans le décompte de la vie intérieure, cherchant chasser de sa mémoire de l'image qui l'a hantée. Le parcours des zones, des pays étranges, d'écriture, liturgie, fiction de la radiophonie particulière qu'elle doit s'inscrire dans la dimension du sonore qu'il a composé et qu'est-ce qu'il dit après que son auteur pense au sonore au cours de son travail. Tu lis quoi qu'on livre, Bastien ? La voix haute qu'il écrit en effet. Non, mais il au corps de la voix des pause. Comédiens doit avoir résonné dans la pensée de son créateur. Le comédien à l'interprétation emporte le texte du monde et seconde sorte. Bastien, tu peux nous dire le titre de livre que tu es en train de le dire ? Ça, c'est dit de l'autre côté. Radiophonique, il entend des voix et des bruits dans son de musique. Ressemble de la perception de la vie à la création du documentaire statue de la perception immédiate d'émission de l'univers sonore d'invisible. Et parce qu'il vient d'auteur de la radio, de l'obsession de son conduit transporté dans toutes sortes de curiosités, sollicitations visuelles de l'âge, paysage radiophonique, polyphonie d'amigénie à dispositif d'écoute, interprétation, questions théoriques, combinaisons, multiples jouent le rôle décisif de radiophonique, le montage de la radio, dimension esthétique. Voilà. Super, tu parlais tout à l'heure de la médecine universelle. Est-ce que tu pourrais nous... C'est les appels sonores radiophoniques. Hein. Et il y a besoin d'appels sonores radiophoniques pour le space marker, pour qu'il y ait des ondes pour le cœur. Hein. Pour le cœur. Hein. Et les ondes pour le cœur, les ondes radio, pour que le cœur se guérisse. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'il y avait des problèmes avec les ondes radiophoniques. Hein. Oui. Du space marker, il y avait des problèmes avec les ondes radiophoniques. C'est pour ça que le malade s'étouffait hein, à l'époque de Vichy. Ouais. À l'époque de Vichy, mais on soignait déjà avec des ondes de radio. Il y a besoin de l'opération sonore hein, du cœur et c'est important. Et d'arranger. Comment on peut faire ça aujourd'hui Comment on fait ça en arrangeant le Space Maker. Ouais, avec des ondes de radio. Avec des ondes de radio. Tu penses qu'on peut mettre par exemple Radio Métanoïa sur le cœur et ça va soigner? Et ça soigne qu'à la base, que si la personne elle arrange le Space Maker, que le Space Maker avait des problèmes parce que c'est un Space Maker qui tuait. Ah oui. Tu parlais d'Antonin Artaud l'autre fois, qu'à l'époque, il n'y avait pas quoi chez Vichy. Il n'y avait pas de médecine et les gens devaient recréer la médecine pour que les gens se guérissent. Il y avait des problèmes avec cette médecine à l'époque de Vichy. Et Artaud, c'était l'époque de Vichy. Oui, ouais, parce qu'il y avait le projet imaginaire que faisait le médecin et ça n'était pas bon. Il fallait que ça se résout. Et pour que ça se résout, il faut que les appareils soient aménagés pour que les médecins utilisent l'appareil médical. Tu voulais écouter un peu Antonin Artaud et commenter ce qu'il dit, oui, ou pas? Oui. Ça va être un petit peu haut, comme ça les gens te suivent. De bien chaque jour, l'idée, c'est à ras d'homme. C'est à ras d'homme. De l'homme noir. Il est présenté. Ainsi vide, ainsi fantastiquement disponible et téléphonique aux obscènes sollicitations. Comme hésitation et atomique de l'État appelé pardon. À faux. Il y a dans l'électrochoc que l'électrochoc était ça par lequel parle traumatisé. Il lui donne non plus à cet instant de connaître et affreusement un son de monde désespérément et méconnaître de connaître quand il était soi. Voilà, c'est fait. J'y suis. Ouais, tu peux expliquer ce qu'il disait Antonin Artaud? Il parlait que la médecine était un bardon à l'époque parce que le radiophonique du corps tuait la personne. Il fallait résoudre cette radiophonique de ça. De l'acte de la radiophonique. Avec des actes radiophoniques. En fait, tu lis un livre de Simone Douek qui s'appelle L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire, et tu parles d'Antonin Artaud. Ouais, et tu parles d'Antonin Artaud, comment il s'est soigné avec des ondes de radio, c'est ça? Avec les ondes de radio pour l'appareil. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait envoyer des ondes de radio On envoie des ondes de radio dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur, pour guérir le cœur. Et quelle fréquence tu envoies? Et on envoie des fréquences. Mais tu sais pas quel numéro de fréquence? Non, je sais pas. Mais il faut trouver ça, comme ça on envoie des ondes de radio pour soigner les gens. C'est un poète qui s'appelle Vladimir Klemnikov. C'est Vladimir Klemnikov. Qui disait que la radio pouvait soigner l'humanité. Peut soigner l'humanité. Si tu envoies des poèmes comme ça, des syllabes à une certaine fréquence, tu peux faire soigner les gens. Vas-y, Bastien, envoie-nous un son pour soigner les gens. Et tu sais, parce que le radiophonique, c'est pour que la personne elle respire. Ah oui. Et si elle respirait pas, c'est que la radiophonique tuait la personne. Et il faut que la radiophonique réanime la personne. Oui, on a Dune aussi qui veut intervenir, qui vient d'arriver. Vas-y. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Dune. C'est bien. Bon, il y a Dune qui vient d'arriver, qui amène sa voix magnifique, magnétique. Non, arrêtez. Vas-y Dune. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ce que tu dis, ça me rappelle lorsque j'étais à la fac à Saint-Denis. Ah, quoi, lorsque tu étais à la fac à Saint-Denis. Ouais, voilà. J'avais un cours et j'ai suivi un cours en musicologie. En musicologie. Et qu'est-ce qu'ils... Et ce qu'ils expliquaient, c'est ce que tu dis, toi, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un étudiant qui a joué un air de sitar. Je crois que c'est une guitare très ancienne. Et ce qui était très, très, très, très beau. Et il expliquait, en fait, qu'ils ont fait des études sur les sons graves. Et les sons graves, en musique, ce sont des sons qui... génère dans notre système nerveux. C'est le son qui génère sur le système nerveux. Oui, et dans le cœur notamment, on a le cœur qui bat vraiment à un rythme cardiaque très très très très bas. Très ça bas. Ça battait à un rythme cardiaque très bas. Et du coup, c'est un son qui apaise. C'est un son qui fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que dans beaucoup de chansons, on a des chansons qui sont tristes, que les gens aiment écouter, mais en même temps, voilà, comme ce sont des chansons tristes, c'est de la mélancolie aussi des fois, mais c'est de la mélancolie pas positive, voilà, mélancolie mais... C'est-à-dire que les sons, c'est pas rapport à la mélancolie que je disais négatif, les sons ouais. graves... contribue à apaiser en fait contribue à apaiser le cœur et le corps en général. Les sons graves, ouais, comme ça. Un peu les sons très graves. Voilà. Bon, il y a Jason, il y a notre correspondant du sport là qui vient de je sais pas quel stade de football, il va nous rapporter tout la chronique de sport dans quelques minutes. Mais continuez le sujet parce qu'aujourd'hui on a abordé les sujets de la, on a parlé de la médecine, de le système solaire. Bastien parlait des ondes de radio qui pouvaient soigner le cœur, le pacemaker. Et toi, Dune, tu parles de tes connaissances de musicologie, tu peux approfondir. Vas-y, et même si c'est pas des choses que tu as appris, c'est quoi tes idées là-dessus? Moi, mes idées par rapport à la musique, déjà, la musique rassemble et la musique fédère. Et la musique, en fait, contribue à faire une passation. Par exemple, dans la culture noire africaine ou africaine tout court, les chants sont transmis comme des contes, en fait. Mais quand je parle de chants, ce sont les chants ancestraux, les chansons sur les rivières, les chansons sur les récoltes, les chansons sur la protection de l'autre. Donc, ce sont des chants que les grands-mères chantent, que les mamans chantent, que les petits-enfants chantent. Mais c'est grâce à justement à cette répétition, à ces chants, à cette transmission que, comment dirais-je, que cette culture se fait. Et je trouve ça très beau parce que dans toutes les cultures, il y a justement cet héritage. Qui est fondamental, qui est le chant. Par exemple, je vais prendre l'exemple des conteuses africaines qu'on appelle les griottes ou les griots. Alors, ce sont des bibliothèques pour moi. Ce sont des bibliothèques vivantes, parce que justement, elles perpétuent à travers leurs paroles et leurs chants des traditions, des pratiques, des actes que faisaient les ancêtres dans les cultures mandingues ou dans les cultures de leur pays. Donc, je fais une analogie par rapport aux chants et aux contes. Les contes aussi ont cette vertu que de rassembler et de consolider en fait la solidité d'une culture. Tout à fait. Par exemple, les gens qui racontent des histoires pour les enfants. Ce sont des chants ou des histoires qui sont racontées dans leur pays, dans la culture de leur pays. Par exemple, en anglais, on dit « One upon a time », il était une fois. En français, on dit « il était une fois ». Il était une fois. Ça marche. En arabe, on dit « Ken yemeken ». Ken yemeken. Donc, c'est comme si, et comme le djembé, comme le djembé, il y a une phase d'appel. Avant de commencer, il y a l'appel. Parce que justement, auparavant, c'était des outils de communication. Et tout ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que je vous saoule là, non? Je sais pas. Non, ça va, ça va. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que on ouvre un compte. Et d'ailleurs, l'analogie avec le djembé, c'est que les contes constituent l'histoire. Les contes constituent l'histoire. Et les chants aussi fédèrent et rappellent une nation ou un peuple. Mais ça peut aussi dépasser complètement les frontières. Ça peut dépasser les frontières. Oui. Parce que la musique, justement, n'a pas de frontières. Une musique comme ça ? Que ce soit de la musique classique ou que ce soit de la musique rythmée, endiablée, En Afrique là, les sons comme le tam-tam, tout ça là. Les sons comme le tam-tam, tout ça, les trucs comme ça là. En les Afrique là. Percussion. Et bah ils arrivent à se connecter à l'au-delà avec. Parce qu'en fait, ils arrivent à faire des rythmes. Oui. Et ces rythmes, c'est comme si ça te transporte, ça transporte ton âme, tu vois. Ça te transcende. Ça te transcende, voilà ce que je voulais dire. Et en fait, là-bas, nous, avant, les Africains, nos ancêtres, bah, avant qu'il y ait la religion chrétienne et musulmane qui arrive, et bah, nous, on était dans... Animistes. Non, on avait plusieurs dieux, on croyait à plusieurs dieux et je sais pas, on arrivait à se connecter avec nos ancêtres, tu vois. Ouais. On parlait avec nos ancêtres, on pouvait même les voir, ouais. Tu vois. Pourquoi tu pars? Et ça, il y en a qui ont considéré ça comme de la sorcellerie ou des trucs, ouais, comme ça, ouais. Alors que ça veut rien dire, c'était juste la culture africaine, négro-africaine, égyptienne par exemple. Mmh. Les Égyptiens, avant, c'est les Égyptiens de l'ancien temps là, c'était des Noirs, tu vois, c'était... Ils avaient leur dieu, ils avaient... Leur croyance, tu vois. Mmh. Donc c'est... Parce que moi, tu vois, je suis Sénégalais, Au Sénégal, nous, on est descendants des Égyptiens de l'ancienne Égypte, tu vois. Machallah. Ouais. Ouais, on est descendant de... Là, tu apprends quelque chose, je ne savais pas que les Sénégalais descendaient des... Pas tous les Sénégalais, hein. Ça veut dire il y a les Mandingues, les Peuls, les Wolofs, les Mandingues, les Wolofs, les Djola. Eux, ils sont descendants de l'Égypte. D'accord, et toi? Ouais. Hein? Et toi? Moi, je suis descendant de l'Égypte, moi. Waouh. Ouais. Les Peuls. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler. Moi, je suis pas que Peul, hein. Tu peux parler à ça. Peul, Djola, Mandingue. Ouais. Tout couleur. C'est magnifique. Tout couleur aussi. Assieds-toi, ouais. Assieds-toi. Oh, c'est génial. Tout couleur. Mais attends qu'il va parler. Ouais, mais c'est génial. C'est ça, ouais. La force. Il va parler un peu. La force de l'identité. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui veut aussi intervenir avec... Si, vas-y, on t'écoute. Si, c'est ouvert pour toi. Vas-y, prends la parole. Je voulais dire, ouais, qu'en fait, bonjour, avant les Africains, avant que tu disais là, qu'il y a la religion musulmane et chrétienne. Allô? Ouais. Ils croyaient aux esprits, aux forces de la nature. Voilà, aux esprits, aux forces de la nature. C'est ça. Et ils arrivaient à se connecter avec leurs ancêtres, tu vois. Tu parlais de l'Égypte, en Égypte, il y a plusieurs dieux. Ouais, en Égypte, il y a plusieurs dieux. Il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent. Et il y a le dieu Ra, par exemple. Le dieu Ra, c'est le dieu du soleil. Mmh. Voilà. Il y avait deux dieux du soleil, le Ra et Amon. Tu vois, Amon, c'était l'autre Égypte, Ra, le bas Égypte. Tu vois la religion kémite, là, je sais pas, moi je me connais pas vraiment. Attends, après, mais t'as déjà entendu kémite? Attends, voilà, en fait, il y a une religion africaine, mais même s'il y a une croix, c'est comme ça, attends. Mais j'arrive pas encore à comprendre. Il y a la lune aussi en Égypte. Il y a quoi? Le dieu de la lune. Comment il s'appelle, le dieu de la lune? J'ai oublié son nom. Bah, c'est une croix, ouais, comme... Mais c'est pas grave, on va en parler. Sauf que ça fait un... Oui, j'ai déjà vu ça. Et bah ça veut dire, en fait, c'est micro. Cette croyance, c'est que la divinité, elle est féminine et masculine en même temps. Tu vois, c'est féminine. C'est ça les kémites? Hein? C'est ça les kémites? C'est ça les kémites? Les quoi? Les kémites? Les kémites, c'est où, on va dire, c'est les kémites ou je sais pas, je comprends rien, moi. Non plus. Ouais. On est deux. Je comprends rien du tout. On est deux. On apprend plein de choses ici, hein. On échange des connaissances. Tu vois, les dieux du soleil, Ra et Amon, une fois par an, ils étaient ensemble, c'était Ramon. Tu vois, ils prenaient les deux à la place de faire la guerre parce que c'était les mêmes, comme aujourd'hui. D'accord. Une fois par an, ils se réunissaient. Tu connais bien l'islam? Tu connais bien l'islam et tout? Ouais. La religion, tu connais un peu? Je connais un peu. Je connaissais beaucoup plus lorsque j'étais plus jeune. J'ai perdu mes savoirs. Mais non, moi, c'est pareil. Toi aussi? Ouais. Je connaissais beaucoup quand j'étais jeune et j'ai perdu mon savoir. Ouais, j'ai perdu. Mais en tout cas, si on parle de religion, je pourrais dire que... si on parle de la religion, je vais dire que quand je suis partie au Sénégal, je vais revenir là-dessus... pour moi, il y a différentes façons de vivre en fait sa religion. Ouais. Moi, je suis d'origine maghrébine, ouais, donc d'Algérie, et il y a une façon de pratiquer en Algérie. Quand je suis arrivée au Sénégal, c'était incroyable parce que c'était une autre façon de faire. C'était totalement différent. Comment ? Moins strict, peut-être ? Beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux, ouais. Beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup moins, je vais dire le mot, agressif. Ouais. Ouais, moins strict. Ça veut dire au Maghreb, c'est plus agressif, c'est ça ? Bah, c'est-à-dire qu'il y a les appels à la prière qui sont doux, qui sont beaux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je dirais que la manière de vivre et de pratiquer est différente. Au Sénégal, les gens ils sont beaucoup plus détendus. Accueillants aussi. En non. Algérie aussi, ils sont accueillants. Mais au Maroc aussi, mais leur manière d'accueillir est différente. Leur manière d'accueillir est plus... Comment dire ? Ils vont plus vers la personne au Sénégal. Chaleureuse. Plus chaleureuse, ils vont plus vers les gens. Il y a une facilité à rentrer en communication avec l'autre. D'une manière... Bah, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Teranga. Ouais, donc la Teranga, c'est la terre de l'accueil. Hein. Ouais. Donc, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est pendant le Ramadan notamment, et ça c'était très fort, j'y suis allée pour le travail pendant le Ramadan, tout était fermé. Tout était fermé. Il n'y avait que les épiceries. Ah ouais. C'est-à-dire que les restaurants, les boîtes de nuit, les endroits où ça bouge et tout, non, c'était fermé. Et je demandais, je posais la question, et en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils pratiquaient leur foi d'une manière beaucoup plus profonde. Parce que, par exemple, dans les rues d'Alger, dès que le Maghreb, le coucher du soleil, alors c'est de la musique partout. En fait, l'esprit du Ramadan est... Oui. C'est qui ça ? C'est Jason. Et beaucoup. Et bon, notre chroniqueur de sport, il a des malaises. Jason, viens, va te monte-toi. Il se met en position de sécurité, ça va venir. Attends, Jason, ça va ? Attends, mettre un peu de musique. Ouais, on a une petite malaise de notre chroniqueur de sport qui va se mettre debout. Tu mets un peu de musique, mettre le micro là pour la musique. Ouais. Petite malaise sur Radio Métanoïa, un chroniqueur qui est tombé. Donc il y a l'équipe de Chris d'urgence qui vient de le soigner. Ça arrive. Voilà. On va mettre un peu de musique l'instant qu'on revient sur les ondes. Là, on prend soin d'un de nos chroniqueurs qui va pas bien. Mais bon, ça arrive dans la vie. Hein. Le droit d'être pas bien aussi dans la vie. Deux fois. Je trouve pas chaussure à mon pied tout simplement parce que je suis hors pair. Compte pas sur les hommes, me reproche pas de calculer son père. Voilà, j'ai fait du chemin, en flou on prend de l'âge. J'arrive pour faire du sale, donc on fera pas bon ménage. You said to me. Si tu les veux, faudra te battre. Ça a l'air de baiser, suffit pas. C'est pas la carte postale dans nos routes. Mons et merveilles sont bien loin de nous. Difficile d'aimer les autres. Il faut rester dans le temps, il faut rester dans l'instant, il faut rester dans le suspense du temps. La canne. Il y a beaucoup de Marocains, Algériens, tout ça, ils sont pour le Sénégal. Ils aiment le Sénégal. Parce que le Sénégal a été le vainqueur de la dernière CAN. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Aussi. Ouais. Ils ont gagné pour la première fois. Ouais. Et cette fois-ci, si on... Non. Non. Algérienne. Mais parce que je viens des portes du désert. Ah. Voilà. Au loin, on voit, imagine-toi, au loin, on voit des chameaux qui passent. D'accord ? Des palmiers. Et la terre craquelée. Cette voix qui chavirait. Et donc, est-ce que je disais, oui, alors, la Tunisie a joué hier. Et la Tunisie, hier, a fait un match nul, je crois. Ouais. Non, nul. Ils ont eu 1-0 contre, je ne sais plus quel pays, oh, zut. Donc, grosse déception pour la Tunisie. Le Maroc joue aujourd'hui à 18h. Okay. Donc, gros suspense. Okay. L'Algérie a gagné. Non, l'Algérie a fait match nul avec, avec l'Angola. Angola. Ouais, je crois. Et franchement, première mi-temps, bien. Deuxième mi-temps, l'Algérie, je les ai trouvés très nuls. Et c'est souvent comme ça, ils marchent. En fait, j'avais l'impression qu'ils marchaient, quoi. Voilà, c'était pas terrible. Et hier, c'était le Mali. Le Mali, c'était bon. Le Mali. J'ai vu un coup franc, là. Ouais, c'est pas mal. Il y a eu un coup de pied renversé, là. Tu sais, la tête comme ça en arrière, là, complètement. Reprise de volet. Reprise de volet magnifique, ouais. Sauf qu'en fait, ils l'ont pas compté. Il est rentré, il est validé et tout. Ah, il est rentré et tout. Hein. Ah. Sauf qu'en fait... Ils l'ont compté, je sais pas, je connais pas les règles aussi bien que toi. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a que la CAN qui rassemble vraiment l'Afrique. Ouais. C'est ça que je trouve dommage. Ouais, il y a que la CAN qui rassemble l'Afrique. Ouais. Sinon, après, des fois, on est un peu divisé. Beaucoup, hein. Ouais. Beaucoup. Entre déjà l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est la guerre. Ouais. Comme quand j'étais au collège. Ouais. Quand j'étais au collège déjà, en fait, il y avait une histoire. L'Afrique de l'Ouest et le Centrafrique, tout ça. Mais moi, mon cœur, il penche vers l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mon cœur. Afrique de l'Ouest, hein. Mon cœur, ouais. Pourquoi ? Parce que. Mais c'est peut-être aussi dû à mes lectures. Je sais pas si vous connaissez le soufisme. Un petit peu, oui. Je connais Rumi et tous les la bande de poètes. J'ai déjà entendu. Alors, tu peux nous expliquer, peut-être pour les métanoïaques qui ne connaissent pas... Bah, quand c'est pas la spiritualité, Sénégal, ça. C'est tout à fait. Ah, ouais. C'est la spiritualité. Ouais. Bravo. C'est l'esprit, enfin l'esprit, c'est, on va dire, la philosophie pure de l'islam, en fait. C'est vraiment la philosophie, c'est l'essence même. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est pas bien, ça, non? Mais il y en a qui disent que c'est pas bien, alors que c'est faux. Il y en a qui disent « Ouais, c'est pas bien. » Oui, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas étudié et compris le sens de ce que c'était le soufisme. Pour eux, Africa. Le soufisme... Il a mis un son là. Elle dit ça, tiens, voilà. Elle nous a mis un son là, frère, là. Ça, c'est énorme. Tu sais que ce son-là, quand j'étais pas bien, je l'écoutais grave, ça. Une fois, je suis parti à la boulangerie, j'ai mis ce son-là. Ouais. Le mec de la boulangerie m'a donné un pain au chocolat gratuit. Parce qu'elle a kiffé le son. Vraiment. C'est quoi comme musique ça? Je sais pas s'il a senti que... Micro, micro, prends le micro. Je sais pas s'il a senti que c'était pas bien, mais il m'a donné un poche pour la grâce de l'humanité. T'as dégagé des ondes, t'as dégagé. Attends, il est en train de dire comment il s'appelle le morceau. C'est le son de l'Afrique. De toute l'Afrique? De toute l'Afrique. Du berceau de l'humanité. Mais c'est ça, la chanteuse qui s'appelle Mama Africa? Elle s'appelle Ismaël L.O. Ah. Tu connaissais Mama Africa? Mama Africa. Ouais, c'est pas mal, c'est une chanteuse incroyable. C'est un Sénégalais? Ouais, je connais pas. C'est Ismaël. C'est un Sénégalais, ouais, c'est ça. Si, Sénégalais. Le chanteur? Oui, oui, oui. Ismaël, oui. C'est un Sénégalais. Il est très connu. Pourquoi il chante en Sénégalais là, Wolof? Je sais pas si c'est Wolof. Ouais, c'est Wolof, quoi. C'est un Sénégalais, oui. Le Bardock fait monter la sauce chez KFC. Ketchup, moutarde, évidemment. Africa. Vas-y, tu peux chanter là-dedans que la musique arrive. Non. Ouais, vas-y, vas-y. J'arrive même pas à chanter comme ça, comme Ismaël là, comme Ismaël sauve. Ah, Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa, mon ami. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel peut le baie, luttons pour nos pieds, pour la paix. Konyawa Africa, Konyanya. Konyawa Africa, Sonsonyangé. Africa, mon ami. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa, Africa, d'ailleurs, nous sommes faits du bonheur, même si le ciel pleurait, du temps pour la paix. Africa, mon yaya, mon yaya, mon Africa, nous sommes en anglais. Africa, Africa, Africa. Africa. Continue le tam-tam, c'est pas mal. Tam-tam est... Le voix. Voix et tam tam. Le poli manila. Tu connais Salif, Salif Keita? Mais Micro, micro, micro. Je connais même pas. Un chanteur sénégalais qui en fait jouait dans un groupe d'Aladji Family et qui maintenant est en solo. Il est incroyable parce que maintenant, je t'invite à regarder sur internet, c'est magnifique. C'est une star maintenant. Il vient du Sénégal, il fait la fierté du pays. Et en fait, maintenant, quand il chante, tout ce qu'il chante, en fait, c'est sans musique. Tout est percu corps. Torse, jambes, mains et bouche, en fait. L'expression, quoi. Toute expression corporelle. Et il s'appelle Fada Freddy. Vous connaissez ce festival Nyenge Nyenge, qui est des musiques africaines contemporaines, électro, comme ça? Non. Et il y a plein de tous les groupes africains. J'ai vu l'année dernière, il y avait des danseurs qui font les liens entre le public et les musiciens, qui dansent tout le temps pendant qu'ils font de la musique. Voilà, mais il faut danser. C'est la santé qu'on vit, mon ami César. Voilà, Didi, vas-y. En mode Beyoncé, là. Musique, chante. On va finir en danse. On a 12 minutes pour avancer. Changer la planète avec de la danse. Toute la musique presque vient de l'Afrique au début, hein. Tous les rythmes, les trucs. Ouais, ouais, tu vois, c'est... Enfin, déjà, l'homme vient de l'Afrique. Ah, l'être humain, quoi. Bah oui. Vas-y, Didi. Mets ton flow. Mets ton flow, mets ton flow. Forever and ever. You heard that? Forever and ever. That's the sound of the price going up. Forever and ever, ever, and never, ever. At the Saxon, Madiba sweet. Like Mandela, bumping fella on the Puma chat. Like we from Lagos, Mansa Musa reincarnated. We on our levels, that's a Billy, 1,000 milli. First. Qu'est-ce qui s'est passé avec la musique, DJ? Voilà, Didi, on veut entendre ta voix, ton flow. Ton flow. Tu cherches quoi, Farouk? C'est un peu cassé le meuble là, on a besoin d'un autre meuble. Il y a Noémie Alvarez qui a dit la dernière fois au journal qu'il n'y avait pas radio jusqu'au 21 février. C'est pas d'où elle est sortie ça. C'est pas, en fait, parce qu'il y a une petite possibilité. J'ai vu la mienne annonce. Je suis pas là la semaine prochaine parce qu'on va au Mans Sonore. On va exposer la radio. D'accord. Au festival des Mans Sonore toute la journée. Les 31, je suis là. Et en février, je ne suis pas encore sûr parce que normalement, je dois aller au Brésil avec l'équipe de carnaval pour qu'on va aller tous l'année prochaine. Donc, je vais faire le truc. Mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, je vous dis ça. On n'a pas de radio la semaine prochaine parce qu'on sera en Mans Sonore. Mais on, dans les 31, si. La semaine d'après, il y a. Ouais, voilà. Y a, et là, on calendarise. Voilà. Mais sinon, on va mettre des anciennes émissions qui vont passer sur Pinode avant. Bah, heureusement que je suis venu parce qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Ah oui. De où elle est sortie ça? Je sais pas. Quand elle a dit ça, vendredi? Vendredi, ouais. Je sais pas si elle a écrit dans le journal. Ouais, ouais. Métanoïa, on est là. On est. Je disais tout à l'heure que le 24, le mercredi prochain, on sera au Mans Sonore, au atelier Radio Topic avec plein de gens de Pinode et station, d'autres radios à la Fonderie au Mans. Ma mère, elle mettait ça, moi. Et dans 15 jours, on va se voir ici. Ça, et puis après, on ne sait pas encore sûr si on va au carnaval. On va se soigner avec nos amis de Locura Suburbana, Tapiran Pirapiro et. Harmonia Locaise, Zona Mental. Au Brésil, ils sont éliminés les hôpitaux psychiatriques pour des lieux de samba et carnaval. Voilà, donc nous, on va aller travailler avec eux, soit cette année, soit bientôt. Parce que la joie soigne. Eh, hey, ça, c'est mon enfance, ça. Quand ma mère a metté ça, je me suis dit. Oh Oh, my God. veut un piano jouer. Il y a tous les métanoïas qui font de la musique là. Farouk qui fait le xylophone. Et Dune qui fait le tam-tam. Billy qui va chanter là. On est en Afrique. C'est Mali, ça. Mali, Sénégal. Quand il va se marier avec une malienne, il va mettre ça. Il va se marier avec une malienne, lui, c'est sûr. Il est 6h moins 2. Le métanoïaque se prépare à finir cette séance. Mercredi prochain, on se trouve au Mans Sonore, à la Fonderie. Il y aura quand même une émission préenregistrée. Et dans 15 jours, on se revoit ici. Que la paix soit dans le monde. Et danser, c'est la santé. Comme on dit César Style. Tout le monde danse à la radio Métanoïa. Tu dis quoi? Au revoir, au revoir. C'est fini la radio, c'est fini. C'est fini. Une minute. Une minute? Il reste une minute. Mais un son. Madran. Au revoir, les amis. Mais Madran, passe vite fait. Je mets le son. Attends, passe, je mets le son vite fait. Vas-y Dune, tu peux dire au revoir. Vas-y Farouk. Au revoir Radio Métanoïa. Bonne soirée. Hey, la réverbérance. Oh. Mandjaku. C'est des Mandjaks. Tu connais les Mandjaks, Doudou? Ah, ça c'est un son de Mandjak ça. Hein? Vive l'Afrique. C'est fou. C'est des Sénégalais les Mandjaks. C'est des Sénégalais... C'est les Sénégalais Guinéen-Bissau aussi. Ouais. Sénégal Guinée-Bissau aussi. Mandjako. Mandjako. Mandjako. Mandjako. Mandjako. Mandjako. Mandjako. Ouais, c'est ça. Demain, je suis fier d'être un Mandjako. Un boy Mandjako. Mandjako. Mandjako. Mandjako. On vous aime. Mandjako. que des mandjak. On est beaucoup, on est beaucoup, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup, mandjako. Merci les métanoïaques, à la semaine prochaine, dans 15 jours. Le plus du crédit agricole, il gagne un temps considérable en faisant ses devis.